Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, la paix mon odeur. Ta main ne cesse de voltiger, funambule refusant de tomber dans le sommeil. Tes cheveux tout légers, légers, petite tête ébouriffée, parfum de miel. Je te serre un peu plus fort, mon si joli trésor. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, la paix mon odeur. Moi j'essaie de t'imaginer le jour où tu sauras m'appeler maman. Ton regard comme étonné dans le mien s'est attardé juste un instant avant de replonger dans la tiédeur sucrée. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, la paix mon odeur. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, la paix mon odeur. Petit pot de colle, mon coquelicot. Je t'étends la peau.